voisine à 7h du matin nous allume la radio. Elle se lève, fait du café très chaud, va dans la salle de bain. J'entends comme un piano le bruit d'un rideau. J'entends les gouttes d'eau là sur sa peau. Alors elle parfume dans la glace ses épaules et son cou. Elle s'aperçoit que le temps passe. Elle choisit ses bijoux. Puis elle colle ses doigts. Elle met ses bas. Je ne la connais pas, mais malgré moi, je l'imagine préparant ses affaires. Ma voisine, je l'imagine comme dans un magazine. Elle s'allume une cigarette, elle rêve dans sa tête. Ma voisine, je l'imagine fumant sa cigarette. Ma voisine, je l'imagine dans sa robe bleue. Ses pieds. Elle croise dans le parking un vieux rocker qui a des faux airs d'un certain King. Je l'imagine dans une limousine, ma voisine. Je l'imagine conduisant la divine. Elle s'allume une cigarette, elle rêve dans sa tête. Dans ses rêves, ma voisine, je m'imagine dans les draps de la voisine.